Chapitre 5e. Ikuteruka, sur la pointe des pieds, descendit à l'étage inférieur et vit une porte. C'était derrière elle que l'on se disputait. Le détective colla son oreille au panneau et reconnut aussitôt la voix du boy Tambol. Il était en colère, le boy Tambol. « Je ne vois pas ce que j'y gagne dans cette affaire, je vous le dis, » glapissait-il. « Je viens de me faire voler toutes les roupies que vous m'avez données. Il m'en faut d'autres. Des blagues. » répondit une voix dure. « À d'autres, l'ami. Cela fait 1000 roupies que je te donne. C'est assez. Tu n'auras rien de plus. Alors je dirai tout. À ton aise, je t'en défie. » Cela devenait intéressant. Ikuteruka se baissa jusqu'à ce que son œil fût au niveau du trou de la serrure et regarda. Il vit un petit bureau meublé de cartonniers, d'une bibliothèque et d'une large table au-dessus de laquelle brillait une ampoule électrique. Devant cette table, un homme était assis. Il était petit et gros. Sa face était rasée, et des lunettes rondes à verre de couleur chevauchaient son gros nez. Tambol était debout à 3 pas du bureau, dans une attitude de provocation qui semblait d'ailleurs laisser l'inconnu fort indifférent. « Donnez-moi au moins 100 roupies !» supplia Tambol, voyant que ses menaces ne donnaient pas de résultat. « Allons, je vais être bon prince !» proposa l'homme. « Je ne te donnerai pas 100 roupies, mais 500 !» Seulement, il faut que tu retrouves l'individu qui t'a si allègrement détroussé de tes roupies tout à l'heure, si toutefois tu dis la vérité. Je le jure, par Siba, Sahib. Bon, bon. Eh bien, c'est entendu. Viens demain, mais pas ici, à l'endroit convenu, et sois prudent. Oh, je sais où le retrouver, mon voleur, affirma Tambol, mais j'ai besoin d'argent tout de suite. Donnez-moi au moins 50 roupies. Je n'ai plus un seul ana. En voilà 20, et file, j'ai à travailler. Ikuteruka en avait assez entendu. Du moins pour l'instant. Il grimpa lestement l'escalier, ressortit du grenier et en quelques secondes fut de nouveau dans la rue. Il se cacha dans un retrait obscur d'où il pouvait voir la maison de Martin Sulac et attendit la sortie de Tambol. Il attendit vainement. 1 heure, 2 heures s'écoulèrent. Tambol ne parut point. Lassé, Ikuteruka n'insista pas et regagna son hôtel où il se coucha. Sa visite à la maison de Martin Sulac n'avait pas donné grand résultat. Elle lui avait permis simplement de comprendre que l'ingénieur hongrois était pour quelque chose dans le vol des rubis de Siba. Mais quel avait été son rôle, c'était surtout cela qu'il importait de savoir. La nuit suivante, Ikuteruka, profitant de ce qu'une violente averse s'était abattue sur la ville, se dirigea vers la maison de Martin Sulac. 11 heures du soir sonnaient aux horloges du voisinage, lorsque le célèbre détective arriva devant la maison du représentant d'appareils électriques. Il regarda, aucune fenêtre n'était éclairée. La bâtisse paraissait inhabitée. Ikuteruka, comme il l'avait fait la veille, grimpa sur le toit en s'aidant du tuyau de la gouttière. Il pénétra dans le grenier, arriva sur le palier et descendit jusqu'au premier étage. Il prêta l'oreille, mais n'entendit pas un bruit. Ikuteruka fit jaillir un rayon lumineux de la petite lampe électrique dont il s'était muni, et regarda autour de lui. Rien. Personne. Il s'approcha de la porte du bureau où il avait vu, la nuit précédente, Tambol discuter avec l'inconnu. Il colla son œil au trou de la serrure et ne vit rien. La pièce était plongée dans la plus profonde obscurité. Ikuteruka éteignit sa lampe. À l'aide d'un rossignol perfectionné, il eut au fait d'ouvrir la porte. Sa lampe d'une main, son Browning de l'autre, il franchit le seuil. Toujours pas le moindre bruit. Ikuteruka tourna le commutateur de sa petite lampe qui s'éclaira. Il put voir que la pièce était bien déserte. Ikuteruka, pour n'être pas surpris, referma la porte à clé et poussa le verrou intérieur. Puis, en un tour de main, il fit fonctionner les serrures du bureau, des cartonniers, des armoires et examina rapidement les papiers que ces meubles contenaient. C'étaient des bons de commission, des factures, des lettres de commande, des devis d'ingénieurs. Rien qu'il se rapportât au vol des rubis du temple de Dambula. Ikuteruka tâta les murailles, souleva les nattes garnissant le plancher et ne trouva rien d'intéressant. Il sortit de la pièce et se mit en devoir de fouiller le reste de la maison. Il n'obtint pas plus de succès. Ce fut en vain qu'il ouvrit les meubles des salons, des chambres à coucher, qu'il fouilla les cuisines, rien. Ayant remis tout en place, il sortit de la maison. Sa montre, qu'il consulta, marquait 4 heures du matin. Ikuteruka, épuisé par ses recherches, se hâta vers son hôtel. Mais il n'avait pas fait 100 pas qu'il sentit qu'on le suivait.